Induna palza, no fui se de grome, con puña no taita, no fui se valime, alba ni el triqui, se mame y chare, y stame se sketchy, y el dolor no era de sang. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Alouez Real Nouveau, qui aujourd'hui vous emmène du côté du plus beau pays du monde, la RDA. Paix à son âme. quel début. Tu n'as pas vu venir. Hein. Non, pas vraiment, là, j'avoue. Oui, ok. on va commencer alors. On commence. Vas-y. Allez. Du coup, salut souris. C'est vrai, j'ai oublié de te saluer. Et... Ah oui, bah c'est, tu vois, c'est, là, tu nous as rendu tout confus. Ouais, c'est ça, je me suis autant confusé. Donc oui, salut Mickey, et puis salut tout le monde. Alors, la DDR, pour ou contre? Ouais, la DDR, le pays du bonheur et des enfants joyeux et tout ça. Ouais. Ok. Des monstres gentils, oui, c'est un pas dit. Voilà, c'est ça. bon, ben là, c'est pas Casimir, mais c'est, on va parler de Andreas Auflauf. Alors, Auflaufen en allemand, ça veut dire fuir, donc c'est la fuite d'Andrea. Oh, bonne introduction. Voilà, parce que en fait, les gens avaient vachement envie de rester dans ce pays magnifique. Et donc, oui, c'est du bon vieux punk. Alors, de Sulle, et le groupe a existé de 84 à 87, et le titre, c'est Civilisation, qui veut dire civilisation. Ça, je pense que vous avez tous compris. Unterkommen leer und kalt. Ich bin einfach mit schon geil. Rock schon im Winterzeit. Komm nur, wir warten schon, dann ist die Zivilisation. Komm nur, wir warten schon, dann ist die Zivilisation. Und ich bin ein Datenspeicher. Und ich bin ein Computer, hochentwickelt, segelleicht. Komm nur, wir warten schon, wir sind die Zivilisation. Komm nur, wir warten schon, wir sind die Zivilisation. Komm nur, wir warten schon, wir sind die Zivilisation. Komm nur, wir warten schon, wir sind die Zivilisation. Und dann ist die neue Wortlos. Alle, alle, alle gleich. Und wir sind dasselbe Wasser. Sonnenklar und so rein. Komm nur, wir warten schon, wir sind die Zivilisation. Komm nur, wir warten schon, wir sind die Zivilisation. On a commencé cette émission avec Andreas Auflauf, avec le morceau « Civilisation ». On poursuit maintenant avec « Die Deutschen Kinder ». Kinder, pardon. Die Deutschen Kinder. Die Deutschen Kinder. Die. Die. Ah, ah oui, c'est à chaque fois que je me trompe, putain. Eh oui, c'est pas de l'anglais, hein. Ah. Alors, leur premier nom, c'était Die Kaputten, qui veut dire en fait les tout cassés, quelque chose qui est kaput, je pense que ça tout le monde comprend. Des Deutschen Kinder, c'est les enfants allemands, hein. Et ils sont de Sasa, qui est toujours, je pense, la banlieue de Heisenberg. C'est un groupe qui a été formé en 82 et le titre c'est Zoni. Et alors, bah, vous allez voir, il rappelle sacrément quand même le Blauenhand Again de Peter and the Test Tube Babies. C'était dit, t'as vu, je l'ai bien dit, dit Deutschen Kinder avec le morceau Zoni. Et on va passer maintenant du côté de Berlin avec Feeling B. Ouais, pour Feeling Berlin, donc un groupe de Berlin-Est, évidemment, fondé en 1983, bah, qui fait pas mal de concerts improvisés et underground, qui split au milieu des années 90. Et alors attention, certains de ses membres, eh ben, ils feront partie par la suite de Rammstein. Ouais, Ah bah d'accord. voilà, comme quoi on peut bien commencer et mal finir. Ouais. Et donc là, le morceau, c'est Artisch, qui veut dire gentil. C'était Rammstein. Non, non. C'était Feeling B avec le morceau Hurting. À Et... l'époque, on ne pouvait pas savoir hein, On ne pouvait pas qu'ils allaient savoir, venir c'est comme vrai. ça, certains. C'est vrai. Prochain groupe, maintenant, c'est du Dark Punk. Ouais, Grabnost, un projet de Berlin Est, évidemment, qui a duré de 87 à 88, donc très court, mais en fait qui précède justement Wartburg-Fürwalter, qu'on va jouer juste après. Wartburg, en fait, c'était ce qui est plus connu, c'est les Trabants, bien sûr, mais Wartburg, c'était aussi une marque de voiture spécifique à l'Allemagne de l'Est, quoi. D'accord. Voilà, et donc le titre, c'est Hauab, qui veut dire dégage. Grabnotch avec Awap, dégage. Et maintenant, c'est Wartburg für Walter. Voilà, donc le fameux groupe qui a repris, du coup, hein, ça a un peu merde, coïncidé avec Dabnost, quoi, vu qu'il commence quand même en 87. Et du coup, le titre, c'est Might Machine. Allez, c'était Wartburg für Walter et le morceau Might Machine. On va aller à Dresde maintenant pour écouter Paranoia. Ouais, donc déjà, le nom du groupe colle vraiment bien avec l'ambiance de la RDA, n'est-ce pas? Où tout le monde était surveillé constamment. Et où tu savais jamais, en fait, si ton pote était pas en vérité un indique de la Stasi. Ouais, c'est arrivé à beaucoup de groupes quand même, hein, de se rendre compte de ça, en fait. Et alors, donc, Paranoia s'est formé en 83, donc à Dresde, comme tu disais. Bah, il a été quand même bien actif et tout, mais malheureusement, à force de harcèlement bah, par la Stasi, ils se sont séparés. Mais quand même, il y en a certains qui ont insisté et qui ont après ensuite formé le groupe Kaltfront. Du coup, les morceaux que j'ai choisis, c'est Inferno Innenstadt, qui veut dire enfer en centre-ville, et un morceau éponyme, Paranoia. Shut up! C'était Paranoia avec Inferno Innenstadt et Paranoia. Et maintenant, on va écouter Schleimkeim. Schleimkeim, ouais. Donc, Schleimkeim, c'est en fait des groupes les plus connus hein, de la ex-RDA, qui changeaient pour autant beaucoup de noms aussi, bah, pareil pour essayer d'éviter de se faire capter à chaque fois. Donc, Ouais. un de leurs autres noms, c'était Zaokerler, qui est un peu difficile à traduire parce que alors Zao, c'est la truie et Kerle, c'est les gars. Donc, les gars de la truie. Putain. Voilà, c'est un peu Putain. spécial comme nom, quoi. Ouais, c'est un groupe donc, qui a été formé en 80-81 à Erfurt. Évidemment, ils ont eu des problèmes de toute manière. Ils ont été menacés de prison. Voilà. Et le truc après qui a été super connu, c'est que quand même, il y a un des membres qui, après avoir sombré dans l'alcoolisme et la drogue, il a tué son père à coups de hache dans la tête en 99. Voilà. Putain, Donc, cette entrée l'accusé Deutschland. ouais, et alors le titre, c'est Alles in Rot, qui veut dire tout en rouge. Et bah ouais, vous allez sentir dans la zic qu'il y a de la bonne haine qui bouillonne, quoi. Seht uns, mit Augen aus der! Seht uns, alle rein von, seht uns, alle rein von, seht uns, alle rein von, seht uns, alle rein von, seht uns, alle rein von, alles in Rot, alles in Rot, seht uns, deine Kasse nicht mehr, seht uns, mit Augen aus der! Seht uns, alle rein von, seht uns, alle rein von, seht uns, alle rein von, seht uns, alle rein von, schreit ein und schreit ein. Et c'est avec Schleimkeim et Alice in Roth que nous terminons cette émission. Merci Souris pour la préparation et la co-animation de cet épisode. Eh ben, de rien. Voilà. Je Et... sais plus de quoi dire d'autre à part de rien ou avec plaisir. bah c'est bien déjà. Bah écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine. Restez à l'écoute car la voix de la Hoï ne s'éteint pas. Salut! Salut!